pris sur le vif. Écoutez. On a gagné. Quelle partie? 3 à 1. Le Racing a joué comme un chef. Pourtant, l'arbitre... C'est bien vrai. Mais on les a eus, les verts. Allons boire un coup. Tu as raison. Allons arroser notre victoire sur les verts. Répétez. On a gagné. Quelle partie? 3 à 1. Le Racing a joué comme un chef. Pourtant, l'arbitre... C'est bien vrai. Mais on les a eus, les verts. Allons boire un coup. Tu as raison. Allons arroser notre victoire sur les verts. Écoutez. Un spectacle inoubliable, n'est-ce pas votre avis? Absolument. Madeleine Renaud a été extraordinaire, comme d'habitude. C'est vrai. Ce rôle est fait pour elle. Quelle présence, quelle vitalité. C'est vraiment une grande actrice. Répétez. Un spectacle inoubliable, n'est-ce pas votre avis? Absolument. Madeleine Renaud a été extraordinaire, comme d'habitude. C'est vrai, ce rôle est fait pour elle. Quelle présence, quelle vitalité. C'est vraiment une grande actrice. Écoutez. Allô, Brigitte, ici Janine, salut. Salut, comment vas-tu? Bien. As-tu été au théâtre hier soir? As-tu aimé le Misanthrope de Vitesse? Génial! Ça change de la comédie française. Pourtant, ma mère... Ta mère est comme ma mère. Elles ne sont plus dans le coup. Répétez. Allô, Brigitte? Ici Janine. Salut! Salut! Comment vas-tu? Bien. As-tu été au théâtre hier soir? As-tu aimé le Misanthrope de Vitesse? Génial! Ça change de la comédie française. Pourtant, ma mère... Ta mère est comme ma mère. Elles ne sont plus dans le coup.